descente de lit m'a regardé jolie et m'a demandé si j'avais envie aussi. J'ai répondu troublé qu'il me restait du blé et au lieu d'un blanc cul je me suis pris un coup de but. J'ai rien demandé de plus. J'ai rien eu en sus. J'ai rien demandé de plus. J'ai pas saisi l'astuce, mon manque de tonus, un trou dans mon cursus. Ah oh. Ah oh. J'suis un délicat. Accorder ce dont je fantasmais, sans crainte un corps nu peut-être à cœur perdu. Ah ah ah ah ah, j'ai rien demandé de plus. Ah ah ah ah, j'ai rien eu en sus. Ah ah ah ah ah, j'ai rien demandé de plus. Ah ah ah, j'ai pas saisi l'astuce, mon manque de tonus, un trou dans mon cursus. J'ai pas saisi l'astuce, mon manque de tonus.